Je voudrais vivre une aventure. Je ne suis plus aussi mature. Je veux parcourir la galaxie, endurer les joies, les soucis. Je veux aider ce petit plombier à retrouver sa bien-aimée. Je veux voir les gens être heureux en étant simplement auprès d'eux. J'aimerais pouvoir illuminer les endroits et les cœurs brisés, avancer sans jamais reculer. Mais tout de même un regard sur le passé, je veux réchauffer cet univers avec une puissante lumière. Voilà pourquoi il faut que je sois une étoile. Rassure-toi. J'avais aimé il y a longtemps une belle étoile du firmament. Elle représentait tout pour moi. Mon cœur battait vraiment pour toi. J'étais trop jeune, j'étais trop fou. Je l'ai blessée et puis c'est tout. Elle est partie sans me retenir. Je n'ai plus rien que des souvenirs. Je n'étais pas ce qu'elle attendait. Un cœur pur et fort il fallait. Je veux redevenir digne d'elle, avoir une beauté sans pareil. On est des millions dans le ciel, mais je resterai unique, inhabituel. Voilà pourquoi il faut que je sois une étoile. Rassure-toi. Étoile est près de moi, elle est belle, me met en émoi. Quand mon cœur souffrait le martyre, elle était là pour le retenir. Elle m'a aidé à bien grandir, survivre aux moments difficiles. Je suis là un peu grâce à elle, même si j'ai que l'air d'une poubelle. Il faut que je devienne fort, avoir le courage d'un météore. Rester debout quand l'univers se met à trembler de peur, de peine. Et comme ça je serai prêt à affronter la vie réelle. Voilà pourquoi, pourquoi ma main. Il faut que je sois une étoile. Rassure-toi.